Rhapsodie 8. Eos au péplos, couleur de safran, éclairait toute la terre, et Zeus, qui se réjouit de la foudre, convoqua l'agora des dieux sur le plus haut faîte de l'Olympos, au sommet sans nombre. Et il leur parla, et ils écoutèrent respectueusement. « Écoutez-moi tous, dieux et déesses, afin que je vous dise ce que j'ai résolu dans mon cœur, et que nul dieu, mâle ou femelle, ne résiste à mon ordre. Mais obéissez tous, afin que j'achève promptement mon œuvre. Car si j'apprends que quelqu'un des dieux est allé secourir soit les Troyens, soit les Danaïens, celui-là reviendra dans l'Olympos honteusement châtié. Et je le saisirai, et je le jetterai au loin, dans le plus creux des gouffres de la terre, au fond du noir Tartaros, qui a des portes de fer et un seuil d'airain au-dessous de la demeure d'Aïdès, autant que la terre est au-dessous de l'Ouranos. Et il saura que je suis le plus fort de tous les dieux. « Debout, Dieu, tentez-le, et vous le saurez. Suspendez une chaîne d'or du faîte de l'Ouranos, et tous, dieux et déesses, attachez-vous à cette chaîne. Vous n'entraînerez jamais, malgré vos efforts, de l'Ouranos sur la terre, Zeus, le modérateur suprême. Et moi, certes, si je le voulais, je vous enlèverais tous, et la terre et la mer, et j'attacherai cette chaîne au faîte de l'Olympos, et tout y resterait suspendu, tant je suis au-dessus des dieux et des hommes. » Il parla ainsi, et tous restèrent muets, stupéfaits de ses paroles, car il avait durement parlé. Et Athénée, la déesse aux yeux clairs, lui dit « Ô notre père, Cronide, le plus haut des rois, nous savons bien que ta force ne le cède à aucune autre. Mais nous gémissons sur les Danaïens, habiles à lancer la pique, qui vont périr par une destinée mauvaise. Certes, nous ne combattrons pas, si tu le veux ainsi. » Mais nous conseillerons les Argiens, afin qu'ils ne périssent point tous, grâce à ta colère. » Et Zeus, qui amasse les nuées, souriant, lui dit « Reprends courage, Tritogeneia, cher enfant. Certes, j'ai parlé très rudement, mais je veux être doux pour toi. » Ayant ainsi parlé, il y a au char les chevaux aux pieds d'airain rapide, ayant pour crinière des chevelures d'or. Et il s'enveloppa d'un vêtement d'or, et il prit un fouet d'or bien travaillé. Il monta sur son char. Il frappa les chevaux du fouet, et ils volèrent aussitôt entre la terre et l'Ouranos étoilé. Il parvint sur l'Ida qui abonde en source, où vivent les bêtes sauvages, et sur le Gargaros, où il possède une enceinte sacrée et un autel parfumé. Le père des hommes et des dieux y arrêta ses chevaux, les délia et les enveloppa d'une grande nuée. Il s'assit sur le faîte, plein de gloire, regardant la ville des Troyens et les nefs des Achaïens. Et les Achaïens chevelus s'armaient, ayant mangé en hâte sous les tentes. Et les Troyens aussi s'armaient dans la ville. Et ils étaient moins nombreux, mais brûlants du désir de combattre, par nécessité, pour leurs enfants et pour leurs femmes. Et les portes s'ouvraient, et les peuples, fantassins et cavaliers, se ruaient au dehors, et il s'élevait un bruit immense. Et quand ils se furent rencontrés, les piques et les forces des guerriers aux cuirasses d'airain se mêlèrent confusément, et les boucliers bombés se heurtèrent, et il s'éleva un bruit immense. On entendait les cris de joie et les lamentations de ceux qui tuaient ou mouraient, et la terre ruisselait de sang. Et tant qu'Eos brilla et que le jour sacré monta, les traits frappèrent les hommes, et les hommes tombaient. Mais quand Hélios fut parvenu au faîte de l'Ouranos, le père Zeus étendit ses balances d'or, et il y plaça deux cairs de la mort qui rend immobile à jamais, la caire des Troyens dompteurs de chevaux et la caire des Achaïens aux cuirasses d'airain. Il éleva les balances, les tenant par le milieu, et le jour fatal des Achaïens s'inclina. Et la destinée des Achaïens toucha la terre nourricière, et celle des Troyens monta vers le large Ouranos. Il roula le tonnerre immense sur l'Ida. Il lança l'ardent éclair au milieu du peuple guerrier des Achaïens. Et l'ayant vu, ils restèrent stupéfaits et pâles de terreur. Ni Idoménéus, ni Agamemnon, ni les deux Aias, serviteurs d'Arès, n'osèrent rester. Le Gérénien Nestor, rempart des Achaïens, resta seul, mais contre son gré, par la chute de son cheval. Le divin Alexandros, l'époux de Hélénée aux beaux cheveux, avait percé le cheval d'une flèche au sommet de la tête, endroit mortel, là où croissent les premiers crins. Et les reins, ayant pénétré dans la cervelle, le cheval saisi de douleur se roulait et épouvantait les autres chevaux. Et, comme le vieillard se hâtait de couper les rênes avec l'épée, les rapides chevaux de Hector, portant leur brave conducteur, approchaient dans la mêlée. Et le vieillard eût perdu la vie si Diomédès ne l'eût vu. Il jeta un cri terrible, appelant Odysseus, divin Laertiade, subtil Odysseus, pourquoi fuis-tu, tournant le dos comme un lâche dans la mêlée? Crains-tu qu'on ne te perce d'une pique dans le dos, tandis que tu fuis? Reste, et repoussons ce rude guerrier loin de ce vieillard. » Il parla ainsi, mais le divin et patient Odysseus ne l'entendit point, et passa outre vers les nefs creuses des Achaïens. Et le Tydéide, bien que seul, se mêla aux combattants avancés, et se tint debout devant les chevaux du vieux Néléide, et il lui dit ces paroles ailées. « Ô vieillard, voici que de jeunes guerriers te pressent avec fureur. Ta force est dissoute, la lourde vieillesse t'accable, ton serviteur est faible, et tes chevaux sont lents. Mais monte sur mon char, et tu verras quels sont les chevaux de Tros que j'ai pris à Inéas, et qui savent, avec une rapidité égale, poursuivre l'ennemi ou fuir à travers la plaine. Que nos serviteurs prennent soin de tes chevaux, et poussons ceux-ci sur les Troyens dompteurs de chevaux, et que Hector sache si ma pique est furieuse entre mes mains. » Il parla ainsi, et le cavalier gérénien Nestor lui obéit. Et les deux braves serviteurs, Sthénélos et Eurymédon, prirent soin de ses cavales. Et les deux rois montèrent sur le char de Diomédès, et Nestor saisit les rênes brillantes et fouetta les chevaux. Et ils approchèrent. Et le fils de Tydéus lança sa pique contre le Priamide qui venait à lui, et il le manqua. Mais il frappa dans la poitrine, près de la mamelle, Eniopéus, fils du magnanime Thébaïos, et qui tenait les rênes des chevaux. Et celui-ci tomba du char, et ses chevaux rapides reculèrent, et il perdit l'âme et la force. Une amère douleur enveloppa l'âme de Hector à cause de son compagnon, mais il le laissa gisant, malgré sa douleur, et chercha un autre brave conducteur. Et ses chevaux n'en manquèrent pas longtemps, car il trouva promptement le hardi Archéptolémos Iphitide, et lui confia les chevaux rapides, et lui remit les rênes en main. Alors, il serait arrivé un désastre, et des actions furieuses auraient été commises, et les Troyens auraient été renfermés dans Hélios comme des agneaux, si le père des hommes et des dieux ne s'était aperçu de ceci. Et il tonna fortement, lançant la foudre éclatante devant les chevaux de Diomédès. Et l'ardente flamme du soufre brûlant jaillit, et les chevaux effrayés s'abattirent sous le char, et les rênes splendides échappèrent des mains de Nestor. Et il craignit dans son cœur, et lui dit à Diomédès, « Tydéide, retourne, fais fuir les chevaux aux sabots épais. Ne vois-tu point que Zeus ne t'aide pas? Voici que Zeus Cronide donne maintenant la victoire à Hector, et il nous la donnera aussi selon sa volonté. » Le plus brave des hommes ne peut rien contre la volonté de Zeus, dont la force est sans égale. » Et Diomédès, hardi au combat, lui répondit, « Oui, vieillard, tu as dit vrai, et selon la justice. Mais une amère douleur envahit mon âme. Hector dira, haranguant les Troyens, « Le Tydéide a fui devant moi vers ses nefs, avant qu'il se glorifie de ceci, que la terre profonde m'engloutisse. » Et le cavalier gérénien Nestor lui répondit, « Ah, fils du brave Tydéus, qu'as-tu dit? Si Hector te nommait lâche et faible, ni les Troyens, ni les Dardaniens ne l'en croiraient, ni les femmes des magnanimes Troyens porteurs de boucliers, elles dont tu as renversé dans la poussière les jeunes époux. » Ayant ainsi parlé, il prit la fuite, poussant les chevaux aux sabots massifs à travers la mêlée. Et les Troyens et Hector, avec de grands cris, les accablaient de traits. Et le grand Hector, au casque mouvant, cria d'une voix haute, « Tydéide, certes, les cavaliers danéens t'honoraient entre tous, te réservant la meilleure place, et les viandes, et les coupes pleines. Aujourd'hui, ils t'auront en mépris, car tu n'es plus qu'une femme. Va donc, fille lâche, tu ne monteras jamais par ma faute sur nos tours, et tu n'emmèneras point nos femmes dans tes nefs. Auparavant, je t'aurais donné la mort. » Il parla ainsi, et le Tydéide hésita, voulant fuir et combattre face à face. Et il hésita trois fois dans son esprit et dans son cœur, et trois fois le sage Zeus tonna du haut des monts Idaïens en signe de victoire sur les Troyens. Et Hector, d'une voix puissante, animait les Troyens. « Troyens, Lycains et hardis Dardaniens, amis, soyez des hommes, et souvenez-vous de votre force et de votre courage. Je sens que le Cronion me promet la victoire et une grande gloire, et réserve la défaite aux Danaïens, les insensés. Ils ont élevé ces murailles inutiles et méprisables qui n'arrêteront point ma force. Et mes chevaux sauteront aisément par-dessus le fossé profond. Mais quand j'aurai atteint les nefs creuses, souvenez-vous de préparer le feu destructeur, afin que je brûle les nefs, et qu'auprès des nefs je tue les Argiens eux-mêmes, aveuglés par la fumée. » Ayant ainsi parlé, il dit à ses chevaux, « Xanthos, Podargos, Aeton et divin Lampos, payez-moi les soins infinis d'Andromaché, fille du magnanime Aétion, qui vous présente le doux froment et vous verse du vin quand vous le désirez, même avant moi qui me glorifie d'être son jeune époux. Hâtez-vous donc, courez, si nous pouvons enlever le bouclier de Nestor, qui est tout en or ainsi que ses poignets, et dont la gloire est parvenue jusqu'à l'Ouranos, et la riche cuirasse de Diomédès, dompteur de chevaux, et que Héphaïstos a forgée avec soin, j'espère que les Achaïens remonteront cette nuit même dans leur nef rapide. » Il parla ainsi dans son désir, et la vénérable Érée s'en indigna, et elle s'agita sur son trône, et le vaste Olympos s'ébranla. Elle dit en face au grand dieu Poséidaon, « Toi qui ébranles la terre, ah, tout-puissant, ton cœur n'est-il point ému dans ta poitrine quand les Danaïens périssent ? Ils t'offrent cependant dans Éliké et dans Aïga un grand nombre de beaux présents. Donne-leur donc la victoire. Si nous voulions, nous tous qui soutenons les Danaïens, repousser les Troyens et résister à Zeus dont la voix sonne au loin, ils seraient bientôt seuls, assis sur l'Ida. » Et le puissant qui ébranle la terre, plein de colère, lui dit, « Audacieuse Érée, qu'as-tu dit ? Je ne veux point que nous combattions Zeus Cronion, car il est bien plus fort que nous. » Et tandis qu'ils se parlaient ainsi, tout l'espace qui séparait les nefs du fossé était empli confusément de chevaux et de porteurs de boucliers, car Hector Priamide, semblable à l'impétueux Arès, les avait enfermés là, Zeus l'ayant glorifié. Il eût consumé les nefs égales à l'aide du feu si la vénérable Érée n'eût inspiré à Agamemnon de ranimer à la hâte les Achaïens. Il parcourut les tentes et les nefs des Achaïens, portant à sa main robuste un grand manteau pourpré. Il s'arrêta sur la grande et noire nef d'Odysseus, qui était au centre de toutes, afin d'être entendu des deux extrémités, des tentes d'Aias Télamoniade à celles d'Achilleus. Car tous deux avaient tiré sur le sable leurs nefs égales aux deux bouts du camp, certains de leur force et de leur courage. Et là, d'une voix haute, il cria aux Achaïens, « Honte à vous, Argiens couverts d'opprobre, qui n'avez qu'une vaine beauté, que sont devenues vos paroles orgueilleuses, quand, à Lemnos, mangeant la chair des bœufs aux longues cornes et buvant les cratères pleins de vin, vous vous vantiez d'être les plus braves et de vaincre les Troyens, un contre 100 et contre 200. Et maintenant, nous ne pouvons même résister à un seul d'entre eux, à Hector qui va consumer nos nefs par le feu. Père Zeus, as-tu déjà accablé d'un tel désastre quelqu'un des rois tout-puissants, et l'as-tu privé de tant de gloire ? Certes, je n'ai jamais passé devant tes temples magnifiques quand je vins ici pour ma ruine sur ma nef chargée de rameurs, plein du désir de renverser les hautes murailles de Troie, sans brûler sur tes nombreux autels la graisse et les cuisses des bœufs. Ô Zeus, exauce donc mon vœu, que nous puissions au moins échapper et nous enfuir, et que les Troyens ne tuent pas tous les Achaïens. » Il parla ainsi, et le père Zeus eut pitié de ses larmes. Il promit par un signe que les peuples ne périraient pas. Il envoya un aigle, le plus sûr des oiseaux, tenant entre ses serres le jeune faon d'une biche agile. Et l'aigle jeta ce faon sur l'autel magnifique de Zeus, où les Achaïens sacrifiaient à Zeus, source de tous les oracles. Et quand ils virent l'oiseau envoyé de Zeus, ils retournèrent dans la mêlée et se ruèrent sur les Troyens. Et alors, aucun des Danaïens innombrables ne put se glorifier, poussant ses chevaux rapides au-delà du fossé, d'avoir devancé le Tidéide et combattu le premier. Et tout d'abord, il tua un guerrier troyen, Agélaos Phradmonide, qui fuyait. Il lui enfonça sa pique dans le dos, entre les épaules, et la pique traversa la poitrine. Le Troyen tomba du char, et ses armes retentirent. Et les Atréides le suivaient, et les deux Aias, pleins d'une vigueur indomptable, et Idoménéus et Mériones, tels qu'Arès, compagnon d'Idoménéus, et le tueur d'hommes, Euryalos, et Eurypylos, fils illustre d'Evaïmon. Et Teucros survint le neuvième, avec son arc tendu, et se tenant derrière le bouclier d'Aias Télamoniade. Et quand le grand Aias soulevait le bouclier, Teucros, regardant de toutes parts, ajustait et frappait un ennemi dans la mêlée, et celui-ci tombait mort. Il revenait auprès d'Aias comme un enfant vers sa mère, et Aias l'abritait de l'éclatant bouclier. quel fut le premier Troyen qui tua l'irréprochable Teucros, d'abord Orsilochos, puis Orménos, et Ophélestès, et Daïtor, et Chromios, et le divin Lycophontès, et Amompaon, Polyémonide, et Manilippos. Il les coucha tour à tour sur la terre nourricière. Et le roi des hommes, Agamemnon, plein de joie de le voir enverser de ses flèches les phalanges des Troyens, s'approcha et lui dit « Cher Teucros Télamonien, prince des peuples, continue à lancer tes flèches pour le salut des Danaïens et pour glorifier ton père Télamon, qui t'a nourri et soigné dans ses demeures tout petit et bien que bâtard. Et je te le dis, et ma parole s'accomplira. Si Zeus tempétueux et Athénée me donne de renverser la forte citadelle d'Ilios, le premier après moi, tu recevras une glorieuse récompense, un trépied, deux chevaux et un char, et une femme qui partagera ton lit. » Et l'irréprochable Teucros lui répondit « Très illustre Atréide, pourquoi m'excites-tu quand je suis plein d'ardeur? Certes, je ferai de mon mieux et selon mes forces. Depuis que nous les repoussons vers Ilios, je tue les guerriers de mes flèches. J'en ai lancé 8, et toutes se sont enfoncées dans la chair des jeunes hommes impétueux. Mais je ne puis frapper ce chien enragé. » Il parla ainsi, et il lança une flèche contre Hector, plein du désir de l'atteindre, et il le manqua. Et la flèche perça la poitrine de l'irréprochable Gorgithion, brave fils de Priamos, qu'avait enfanté la belle Cataneïra, venue d'Aïsémée, et semblable aux déesses par sa beauté. Et comme un pavot dans un jardin penche la tête sous le poids de ses fruits et des rosées printanières, de même le Priamide pencha la tête sous le poids de son casque. Et Teucros lança une autre flèche contre Hector, plein du désir de l'atteindre. Il le manqua encore, et il perça près de la mamelle le brave Archéptolémos, conducteur des chevaux de Hector, et Archéptolémos tomba du char. Ses chevaux rapides reculèrent, et sa vie et sa force furent anéanties. Le regret amer de son compagnon serra le cœur de Hector, mais, malgré sa douleur, il le laissa gisant, et il ordonna à son frère Cébrion de prendre les rênes, et ce dernier obéit. Alors Hector sauta du char éclatant, poussant un cri terrible, et, saisissant une pierre, il courut à Teucros, plein du désir de l'en frapper. Et le Télamonien avait tiré du carquois une flèche amère, et il la plaçait sur le nerf, quand Hector, au casque mouvant, comme il tendait l'arc, le frappa de la pierre dure à l'épaule, là où la clavicule sépare le cou de la poitrine, à un endroit mortel. Et le nerf de l'arc fut brisé, et le poignet fut écrasé, et l'arc s'échappa de sa main, et il tomba à genoux. Mais Aias n'abandonna point son frère tombé, et il accourut, le couvrant de son bouclier. Puis ses deux chers compagnons, Mécistéus, fils d'Echios, et le divin Alastor, emportèrent vers les creuses nefs Teucros qui poussaient des gémissements. Et l'Olympien rendit de nouveau le courage aux Troyens, et ils repoussèrent les Achaïens jusqu'au fossé profond, et Hector marchait en avant, répandant la terreur de sa force. Comme un chien qui poursuit de ses pieds rapides un sanglier sauvage ou un lion le touche aux cuisses et aux fesses, épiant l'instant où il se retournera, de même Hector poursuivait les Achaïens chevelus, tuant toujours celui qui restait en arrière. Et les Achaïens fuyaient, et beaucoup tombaient sous les mains des Troyens, en traversant les pieux et le fossé. Mais les autres s'arrêtèrent auprès des nefs, s'animant entre eux, levant les bras et suppliant tous les dieux. Et Hector poussait de tous côtés ses chevaux aux belles crinières, ayant les yeux de Gorgo et du sanguinaire Arès. Et la divine Érée aux bras blancs, à cette vue, fut saisie de pitié et dit à Athénée ces paroles ailées. « Ah, fille de Zeus tempétueux, ne secourrons-nous point, en ce combat suprême, les Danaïens qui périssent? Car voici que, par une destinée mauvaise, ils vont périr sous la violence d'un seul homme. Le Priamide Hector est plein d'une fureur intolérable, il les accable de maux. » Et la divine Athénée, aux yeux clairs, lui répondit, « Certes, le Priamide aurait déjà perdu la force avec la vie et serait tombé mort sous la main des Argiens, sur sa terre natale, si mon père, toujours irrité, dur et inique, ne s'opposait à ma volonté. Il ne se souvient plus que j'ai souvent secouru son fils accablé de travaux par Eurystheus. Héraclès criait vers l'Ouranos, et Zeus m'envoya pour le secourir. Certes, Si j'avais prévu ceci, quand Héraclès fut envoyé dans les demeures aux portes massives d'Aïdès pour enlever de l'Erebos le chien du haïssable Aïdès, certes, il n'aurait point repassé l'eau courante et profonde de Styx. Et Zeus me hait. Il cède au désir de Thétis, qui a embrassé ses genoux et lui a caressé la barbe, le suppliant d'honorer Achilleus, le destructeur de citadelles. Et il me nommera encore sa chère fille aux yeux clairs. Mais attelle nos chevaux aux sabots massifs, tandis que j'irai dans la demeure de Zeus prendre l'égide et me couvrir de mes armes guerrières. Je verrai si le Priamide Hector au casque mouvant sera joyeux de nous voir descendre toutes deux dans la mêlée. Certes, plus d'un Troyen couché devant les nefs des Achaïens va rassasier les chiens et les oiseaux carnassiers de sa graisse et de sa chair. » Elle parla ainsi, et la divine Érée au bras blanc obéit. Et la divine et vénérable Érée, fille du grand Cronos, se hâta d'atteler les chevaux liés par des harnais d'or. Et Athénée, fille de Zeus tempétueux, laissa tomber son riche péplos qu'elle avait travaillé de ses mains sur le pavé de la demeure de son père, et elle prit la cuirasse de Zeus qui amasse les nuées, et elle se revêtit de ses armes pour la guerre lamentable. Et elle monta dans le char flamboyant, et elle saisit la lance lourde, grande et solide, avec laquelle, étant la fille d'un père tout-puissant, elle dompte la foule des héros contre qui elle s'irrite. Et Érée frappa du fouet les chevaux rapides, et les portes de l'Ouranos s'ouvrirent d'elles-mêmes en criant, gardées par les heures, qui sont chargées d'ouvrir le grand Ouranos et l'Olympos, ou de les fermer avec un nuage épais. Et ce fut par là que les déesses poussèrent les chevaux obéissant à l'aiguillon. Et le père Zeus, les ayant vus de l'Ida, fut saisi d'une grande colère. Il envoya la messagère Iris aux ailes d'or. « Va, hâte-toi, légère Iris, fais-les reculer, et qu'elles ne se présentent point devant moi, car ceci serait dangereux pour elles. Je le dis, et ma parole s'accomplira. J'écraserai les chevaux rapides sous leurs chars que je briserai, et je les en précipiterai, et avant 10 ans, elles ne guériront point des plaies que leur fera la foudre. Athénée, aux yeux clairs, saura qu'elle a combattu son père. Ma colère n'est point aussi grande contre Érée, car elle est habituée à toujours résister à ma volonté. » Il parla ainsi, et la messagère Iris, aux pieds prompt comme le vent, s'élança, et elle descendit des cimes idaïennes dans le grand Olympos, et elle les arrêta aux premières portes de l'Olympos, aux vallées sans nombre, et elle leur dit les paroles de Zeus. « Où allez-vous? Pourquoi votre cœur est-il ainsi troublé? Le Cronide ne veut pas qu'on vienne en aide aux Argiens. Voici la menace du fils de Cronos, s'il agit selon sa parole. Il écrasera les chevaux rapides sous votre char qu'il brisera, et il vous en précipitera, et avant 10 ans, vous ne guérirez point des plaies que vous fera la foudre. Athénée, aux yeux clairs, tu sauras que tu as combattu ton père. Sa colère n'est point aussi grande contre Érée, car elle est habituée à toujours résister à sa volonté. Mais toi, très violente et audacieuse chienne, oseras-tu lever ta lance terrible contre Zeus ? » Ayant ainsi parlé, Iris, aux pieds rapides, s'envola, et Érée dit à Athénée, « Ah, fille de Zeus tempétueux, je ne puis permettre que nous combattions contre Zeus pour des mortels. Que l'un meure, que l'autre vive, soit, et que Zeus décide, comme il est juste et selon sa volonté, entre les Troyens et les Danaïens. » Ayant ainsi parlé, elle fit retourner les chevaux aux sabots massifs, et les heures dételèrent les chevaux aux belles crinières et les attachèrent aux crèches divines, et appuyèrent le char contre le mur éclatant. Et les déesses, le cœur triste, s'assirent sur des sièges d'or au milieu des autres dieux. Et le père Zeus poussa du haut de l'Ida vers l'Olympos son char aux belles roues et ses chevaux, et il parvint au siège des dieux. Et l'illustre qui ébranle la terre dételât les chevaux, posa le char sur un autel et le couvrit d'un voile de lin. Et Zeus, à la grande voix, s'assit sur son trône d'or, et le large Olympos trembla sous lui. Et Athénée et Érée étaient assises loin de Zeus, et elles ne lui parlaient ni ne l'interrogeaient. Mais il les devina et dit, « Athénée et Érée, pourquoi êtes-vous ainsi affligées? Vous ne vous êtes point longtemps fatiguées, du moins dans la bataille qui illustre les guerriers, afin d'anéantir les Troyens, pour qui vous avez tant de haine. Non, tous les dieux de l'Olympos ne me résisteront point, tant la force de mes mains invincibles est grande. La terreur a fait trembler vos beaux membres, avant d'avoir vu la guerre et la mêlée violente. Et je le dis, et ma parole se serait accomplie. Frappées toutes deux de la foudre, vous ne seriez point revenues sur votre char dans l'Olympos, qui est la demeure des immortels. » Et il parla ainsi, et Athénée et Érée gémissaient, assises à côté l'une de l'autre, et méditant le malheur des Troyens. Et Athénée restait muette, irritée contre son père Zeus, et une sauvage colère la brûlait. Mais Érée ne put contenir la sienne, et elle dit, « Très dur, Cronide, quelle parole as-tu dite ? Nous savons bien que ta force est grande, mais nous gémissons sur les belliqueux Danaïns qui vont périr par une destinée mauvaise. Nous ne combattrons point si tu le veux, mais nous aiderons les Argiens de nos conseils, afin qu'ils ne périssent point tous par ta colère. » Et Zeus, qui amasse les nuées, lui répondit, « Certes, au retour d'Eos, tu pourras voir, vénérable Érée aux yeux de bœuf, le tout-puissant Cronien, mieux détruire encore l'armée innombrable des Argiens. Car le brave Hector ne cessera point de combattre, que le rapide Péléon ne se soit levé auprès des nefs. Le jour où les Achaïens combattront sous leur poupe, luttant dans un étroit espace sur le cadavre de Patroclos. Ceci est fatal. Je me soucie peu de ta colère, quand même tu irais aux dernières limites de la terre et de la mer où sont couchés Iapétos et Cronos, loin des vents et de la lumière de Hélios, fils de Hyperion, dans l'enceinte du creux Tartaros. Quand même tu irais là, je me soucie peu de ta colère, car rien n'est plus impudent que toi. » Il parla ainsi, et Érée au bras blanc ne répondit rien. Et la brillante lumière hélienne tomba dans l'Okéanos, laissant la noire nuit sur la terre nourricière. La lumière disparut contre le gré des Troyens, mais la noire nuit fut la bienvenue des Achaïens qui la désiraient ardemment. Et l'illustre Hector réunit l'agora des Troyens, les ayant conduits loin des nefs, sur les bords du fleuve tourbillonnant, en un lieu où il n'y avait point de cadavres. Et ils descendirent de leurs chevaux pour écouter les paroles de Hector, cher à Zeus. Et le tenait à la main une pique de 11 coudées, à la brillante pointe d'airain retenue par un anneau d'or. Et, appuyé sur cette pique, il dit aux Troyens ces paroles ailées. « Écoutez-moi, Troyens, Dardaniens et alliés, j'espérais ne retourner dans Hélios battu des vents qu'après avoir détruit les nefs et tous les Achaïens. Mais les ténèbres sont venues qui ont sauvé les Argiens et les nefs sur le rivage de la mer. C'est pourquoi obéissons à la nuit noire et préparons le repas. Dételez les chevaux aux belles crinières et donnez-leur de la nourriture. Amenez promptement de la ville des bœufs et de grasses brebis et apportez un doux vin de vos demeures et amassez beaucoup de bois, afin que toute la nuit, jusqu'au retour d'Eos qui naît le matin, nous allumions beaucoup de feux dont l'éclat s'élève dans l'Ouranos, afin que les Achaïens chevelus ne profitent pas de la nuit pour fuir sur le vaste dos de la mer, qu'ils ne montent point tranquillement du moins sur leur nef, et que chacun d'eux, en montant sur sa nef, emporte dans son pays une blessure faite par nos piques et nos lances aiguës, que tout autre redoute désormais d'apporter la guerre lamentable aux Troyens dompteurs de chevaux. Que les héros chers à Zeus appellent, par la ville, les jeunes enfants et les vieillards aux tempes blanches à se réunir sur les tours élevées par les dieux. Et que les femmes timides, chacune dans sa demeure, allument de grands feux, afin qu'on veille avec vigilance, de peur qu'on entre par surprise dans la ville, en l'absence des hommes. Qu'il soit fait comme je le dis, magnanime Troyen, car mes paroles sont salutaires. Dès le retour d'Eos, je parlerai encore aux Troyens dompteurs de chevaux. Je me vante, ayant supplié Zeus et les autres dieux, de chasser bientôt d'ici ces chiens que les Caires ont amenés sur les nefs noires. Veillons sur nous-mêmes pendant la nuit. Mais dès la première heure du matin, couvrons-nous de nos armes et poussons l'impétueux Arès sur les nefs creuses. Je saurai si le brave Diomédès Tydéide me repoussera loin des nefs jusqu'aux murailles, ou si, le perçant de l'airain, j'emporterai ses dépouilles sanglantes. Demain, il pourra se glorifier de sa force s'il résiste à ma pique. Mais j'espère plutôt que demain, quand Hélios se lèvera, il tombera des premiers, tout sanglant, au milieu d'une foule de ses compagnons. Et plutôt Dieu que je fusse immortel et toujours jeune, et honoré comme Athénée et Apollon, autant qu'il est certain que ce jour sera funeste aux Argiens. » Hector parla ainsi, et les Troyens poussèrent des acclamations. Et ils détachèrent du joug les chevaux mouillés de sueur, et les lièrent avec des lanières, auprès des chars. Ils amenèrent promptement de la ville des bœufs et des brebis grasses. Et ils apportèrent un doux vin et du pain de leur demeure. Ils amassèrent beaucoup de bois. Puis ils sacrifièrent de complètes hécatombes aux immortels, et le vent emportait la fumée épaisse et douce dans l'Ouranos. Mais les dieux heureux n'en voulurent point, et la dédaignèrent, car ils haïssaient la sainte Ilios, et Priamos, et le peuple de Priamos, au pic de Phrène. Et les Troyens, pleins d'espérance, passaient la nuit sur le sentier de la guerre, ayant allumé de grands feux. Comme lorsque les astres étincellent dans l'Ouranos autour de la claire Sélénée, et que le vent ne trouble point l'air, on voit s'éclairer les cimes et les hauts promontoires et les vallées, et que les terres infinies s'ouvrent aux fêtes de l'Ouranos, et que le berger joyeux voit luire tous les astres. De même, entre les nefs et l'eau courante du Xanthos, les feux des Troyens brillaient devant Ilios. Mille feux brûlaient ainsi dans la plaine, et près de chacun étaient assis 50 guerriers autour de la flamme ardente. Et les chevaux, mangeant l'orge et l'avoine, se tenaient auprès des chars, attendant Éos au beau trône.